Chapitre 28. La confiance. Ophélie remonta le bras du phonographe pour interrompre la musique assourdissante. Elle ferma sa porte à double tour, ôta sa livrée et s'étendit sur son lit qui sentait maintenant l'huile et le tabac. Née au plafond, elle poussa un profond soupir. Elle avait été dupée comme une idiote, battue à coups de gourdin, menacée par un majordome véreux et confondue par une noble déchue. Ça faisait beaucoup de catastrophes pour une seule petite personne. Ophélie comprit qu'elle allait devoir parler à Thorn, dès ce soir. Son cœur se mit à cogner douloureusement contre ses côtes. Elle appréhendait de le revoir. Elle n'était pas encore très sûre de ce qui s'était réellement passé la dernière fois, et elle gardait l'espoir de s'être fait de fausses idées, mais l'attitude de Thorn avait vraiment été équivoque. Ophélie avait peur, viscéralement peur qu'il pût se prendre d'affection pour elle. Elle se sentait incapable de l'aimer en retour. Elle n'y connaissait certes pas grand-chose en matière de sentiments, mais pour que cette alchimie fonctionnât, ne fallait-il pas qu'un homme et une femme eussent un minimum d'affinité? Thorn et elle n'avaient absolument rien en commun. Leurs deux natures étaient incompatibles. L'échange de leurs pouvoirs familiaux le jour du mariage n'y changerait rien. Ophélie mâchouilla nerveusement les coutures de son gant. Elle s'était montrée dissuasive avec Thorn. S'il se sentait rejeté une fois encore, continuerait-il de lui offrir son soutien? Aujourd'hui, plus que jamais, elle allait pourtant en avoir besoin. Elle se leva avec précaution et passa une main à travers la glace de sa chambre. Alors que le corps d'Ophélie restait aussi sur rue des bains, son bras pénétrait dans la penderie de l'intendance, à l'autre bout de la citacielle. Elle sentit l'épaisseur des manteaux. Thorn avait dit qu'il fermerait le panneau de la penderie s'il était en consultation. Ophélie savait qu'il pouvait recevoir jusqu'à minuit. Il était sans doute encore trop tôt. Elle récupéra son bras, il ne lui restait plus qu'à patienter. Ophélie diminua la flamme du bec de gaz, se pelotonna sous ses draps et flotta bientôt dans un demi-sommeil agité. Elle rêva qu'elle était prisonnière d'un immense sablier blanc. Chaque grain qui s'écoulait produisait un véritable coup de tonnerre. Quand elle se réveilla en sursaut, la chemise trempée de sueur, elle comprit que ce qu'elle entendait, c'était simplement le robinet qui gouttait dans sa bassine. Elle but un peu d'eau, se passa une éponge humide dans le cou et replongea sa main dans la glace. Cette fois, elle put enfoncer le bras jusqu'au coude. La penderie de l'intendance était ouverte. Ophélie se ravisa dès qu'elle vit son reflet dans le miroir. Elle était en simple chemise et haute chausse, sans souliers à ses pieds, et ses longs cheveux bruns tombaient librement jusqu'au bas du dos. Entrer ainsi chez Thorn, ce n'était pas une très bonne idée. Elle dut farfouiller dans son désordre pour retrouver le grand manteau qu'il lui avait prêté. Elle se le boutonna tout le long du corps et retroussa les manches trop longues. Ça ne dissimulerait pas les contusions à son visage, mais ce serait déjà plus décent. Ophélie assombrit le verre de ses lunettes pour masquer son œil au beurre noir et bascula tout entière dans son reflet. Le froid lui coupa aussitôt le souffle. Elle n'y voyait pas plus loin que le bout de son nez. Thorn avait coupé le chauffage et éteint les lumières. Était-il parti en laissant sa penderie ouverte? Ophélie attendit de s'habituer à l'obscurité ambiante, le cœur battant. L'œil de bœuf, au fond de la salle, laissait filtrer un peu de lune entre les formations de givre. Elle commençait à distinguer les contours du grand bureau, les lignes des étagères, les arrondis des sièges. Sous l'œil de bœuf, une silhouette, tout en creux et en angle, se tenait assise sur le canapé, parfaitement immobile. Thorn était là. Ophélie avança, trébuchant sur les défauts du parquet, se cognant au coin des meubles. Quand elle parvint au canapé, elle s'aperçut que les yeux pâles de Thorn, éclat de lame sur fond d'ombre, suivaient ses moindres mouvements. Il se tenait tout voûté, les avant-bras posés sur les cuisses, mais ça ne l'empêchait pas d'être toujours aussi grand. Il portait son uniforme d'intendant dont seules les épaulettes dorées ressortaient dans le noir. « Je vous ai réveillé ?» murmura Ophélie. « Non. Que voulez-vous ?» Pour un accueil hivernal, c'était un accueil hivernal. La voix de Thorn était encore plus maussade que de coutume. Il ne paraissait pas particulièrement heureux de voir Ophélie, et d'une certaine façon ça la rassura. De toute évidence, il avait reçu son opinion sur elle depuis la dernière fois. « Il y a une ou deux choses dont je dois parler avec vous. C'est assez important. » Asseyez-vous, dit Thorne. Il avait le don de transformer ce qui aurait pu passer pour une formule de politesse en ordre despotique. Ophélie se chercha à tâtons un siège, mais une fois trouvé, elle dut renoncer à le déplacer. Composé de velours et de bois précieux, il pesait trop lourd pour sa côte fêlée. Elle s'assit donc à distance, dos au canapé, obligeant Thorne à changer de place. Il quitta sa posture repliée avec un reniflement agacé et s'installa dans son fauteuil de fonction de l'autre côté du bureau. Ophélie cligna des yeux, éblouie, quand il tourna la cheville de sa lampe de travail. « Je vous écoute, » dit-il, pressé d'en finir. Elle n'eut pas le temps de prononcer un mot qui lui coupa aussitôt la parole. « Que vous est-il arrivé ?» La longue figure de Thorne s'était davantage durcie, pour autant que ce fût possible. Ophélie avait caché tout ce qu'elle avait pu sous ses lunettes et ses cheveux dans l'espoir qu'il ne remarquât pas les traces de coups, mais c'était raté. « Une cérémonie funèbre a mal tourné. C'est de cela que je dois vous parler. » Thorne croisa ses longs doigts noueux sur le bureau et attendit ses explications. Son attitude était si sévère qu'Ophélie avait l'impression de se tenir sur le banc des accusés face à un juge implacable. « Connaissez-vous Madame Hildegarde ?»« L'architecte. Tout le monde la connaît. »« Je lui ai livré des oranges. À peine en a-t-elle touché une, qu'elle est tombée raide. Ma culpabilité n'a pas fait l'ombre d'un doute et les gendarmes m'ont aussitôt jeté aux oubliettes. » Les doigts mêlés de Thorne se contractèrent sur le bureau. « Pourquoi ma tante ne m'a-t-elle pas téléphoné ?» Peut-être n'en a-t-elle eu ni le temps ni l'occasion, dit prudemment Ophélie. De toute façon, Madame Hildegarde n'est pas morte. Elle aurait fait, selon elle, une violente allergie. Une allergie, répéta Thorne, sceptique. Ophélie déglutit et serra les poings sur ses genoux. C'était l'instant de vérité. Elle a menti. Quelqu'un a bel et bien versé du poison sur ses oranges, dans l'intention de me nuire à moi. « Pas à Madame Hildegarde. » « Vous semblez avoir une idée très précise sur la question, » constata Thorne. « C'est votre grand-mère. » À cette annonce, Thorne ne bougea pas d'un cheveu. Il demeura main croisée, dos voûté, sourcils froncés, nez pincé. Ophélie s'était rarement sentie aussi mal à l'aise. Maintenant qu'elle s'était lancée, elle avait des craintes après tout. Pourquoi Thorne lui ferait-il confiance ?« Je l'ai lu. » En touchant le panier d'orange, poursuivit-elle. Sous prétexte de m'en soulager, votre grand-mère y a versé un poison de son cru. La haine qu'elle me voue, telle que je l'ai perçue du bout des doigts, donne froid dans le dos. Ophélie guetta un éclair d'émotion dans le regard métallique de Thorne, surprise, déni, incompréhension, mais il semblait s'être changé en marbre. Elle déteste tout ce que je représente. Insista-t-elle dans l'espoir de le convaincre. « Une parvenue, une honte, un sang impur. Elle ne souhaite pas ma mort. Elle veut me discréditer, publiquement. » Ophélie sursauta lorsque le grelot du téléphone retentit sur le bureau. Thorne le laissa sonner, ses yeux profondément enfoncés dans ses lunettes sombres. « Je n'en ai rien dit à votre tante, » bredouilla-t-elle. « Je ne sais pas. Trop si elle se doute ou non du comportement ambigu de sa mère, j'aurais aimé avoir d'abord votre sentiment là-dessus, » conclut-elle dans un filet de voix. Thorne se remit enfin en mouvement. Il décroisa les doigts, se redressa dans son fauteuil, prenant de l'altitude et consulta sa montre à gousset. Ophélie était stupéfaite. Ne la prenait-il pas au sérieux? Pensait-il perdre son temps avec elle? « Vous voulez mon sentiment ?» dit-il enfin sans lâcher sa montre des yeux. « S'il vous plaît. » Ophélie s'était presque faite implorante. Thorne remonta sa montre, l'arrangea dans sa poche d'uniforme et, d'un geste imprévisible, il déblaya violemment du bras tout le contenu de son bureau. Les porte-plumes, les encriers, les buvards, le courrier et même le téléphone se déversèrent sur le parquet dans un fracas étourdissant. Ophélie se cramponna des deux mains aux accoudoirs de son siège pour s'empêcher de décamper. C'était la première fois qu'elle voyait Thorne s'abandonner à un éclat de violence et elle redoutait que le prochain fût pour elle. Coude sur la table, main appuyée l'une à l'autre, doigt contre doigt, Thorn n'avait pourtant pas du tout l'attitude de quelqu'un qui venait de se mettre en colère. Ainsi dépouillé, le bureau arborait une belle auréole sombre, le contenu de l'encrier qu'Ophélie avait renversé la dernière fois. « Je suis plutôt contrarié, » dit Thorn. « Un peu plus que cela, même. »« Désolé, » souffla Ophélie. Thorn émit un claquement de langue agacé. « J'ai dit que j'étais contrarié, pas que vous m'aviez contrarié. »« C'est donc que vous avez décidé de me croire, » murmura-t-elle, soulagée. Thorn arqua les sourcils de surprise et sa longue cicatrice suivit le mouvement. « Et pourquoi ne vous croirais-je pas ?» Prise au dépourvu, Ophélie contempla le nécessaire à écrire qui s'était amoncelé sur le sol. Ce chaos, au milieu de l'univers parfaitement ordonné du cabinet, faisait fausse note. « Eh bien, il aurait été légitime que vous accordiez plus de crédit à votre grand-mère qu'à une personne que vous connaissez à peine. Je crois que vous avez cassé le câble de votre téléphone, » ajouta-t-elle après un raclement de gorge. Thorn la considéra avec attention. « Ôtez vos lunettes, je vous prie. » Saisie par cette demande inattendue, Ophélie obéit. La silhouette maigre de Thorn à l'autre bout du bureau se perdit dans le brouillard. S'il voulait juger des dégâts par lui-même, elle n'allait pas l'en empêcher. « Ce sont les gendarmes, » soupira-t-elle. « Ils ont la main leste. » « Ont-ils découvert votre véritable identité ?»« Non. » Vous ont-ils fait subir d'autres choses que je n'aurais pas sous les yeux ?» Ophélie remit ses lunettes avec des gestes maladroits, horriblement gênée. Elle détestait quand Thorn la soumettait ainsi à ses interrogatoires, à croire qu'il était incapable de quitter sa posture d'intendant. « Rien de grave. » « Réflexion faite. Je rectifie ce que j'ai dit, » reprit Thorn d'une voix monocorde. « Vous êtes en partie responsable de ma contrariété. » Ah. Je vous avais demandé de ne vous fier à personne d'autre que ma tante. Personne d'autre. Faut-il donc vous mettre toujours les points sur les i ? Le ton de Thorn était tellement excédé qu'Ophélie tomba des nues. Comment aurais-je pu un instant soupçonner votre grand-mère ? Elle s'est montrée plus gentille avec moi que n'importe lequel d'entre vous. Thorn devint si blême soudain que la couleur de sa peau se confondit avec celle de ses cicatrices. Ophélie avait pris conscience trop tard des mots qu'elle venait de prononcer. Toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. « Et puis, elle vit sous votre toit ?» bafouilla-t-elle. « Vous compterez souvent des ennemis sous le même toit que le vôtre. Essayez de vous faire à cette idée. »« Vous vous méfiez donc d'elle depuis le début ?» dit Ophélie choquée. « Votre propre grand-mère ?» Un bruit de soufflerie mécanique envahit l'intendance, suivi d'un clic retentissant. « Le monte-plat, » expliqua Thorn. Ses longues jambes se déplièrent comme des ressorts. Il se dirigea vers un mur, souleva un volet de bois et récupéra une cafetière en aluminium. « Puis-je en avoir un peu ?» demanda impulsivement Ophélie. Elle ne pouvait plus se passer de café depuis qu'elle vivait au pôle. Elle se rendit compte trop tard qu'il n'y avait qu'une seule tasse, mais Thorn la lui céda sans émettre d'objection. Venant de lui, elle trouva le geste très élégant. « J'ai moi aussi fait les frais de cette vieille renarde, » dit-il en lui versant du café. Ophélie leva les yeux vers lui, tout là-haut. Elle assise, lui debout, il y avait de quoi attraper le vertige. « Elle s'en est prise à vous aussi ?»« Elle a essayé de m'étouffer sous un oreiller, » dit Thorn avec flegme. « Heureusement, je suis plus résistant qu'il n'y paraît. » « Et vous étiez jeune ?»« Je venais à peine de naître. » Ophélie laissa son regard tomber dans sa tasse brune et fumante. Elle se sentait pleine de colère. « C'est monstrueux !»« C'est le sort habituellement réservé aux bâtards. » « Et personne n'a rien dit, rien fait contre elle. Comment Bérénilde peut-elle seulement encore tolérer cette femme chez elle ?» Thorn rouvrit le volet du monte-plat pour en sortir cette fois du tabac. Il se rassit dans son fauteuil, chercha sa pipe dans un tiroir, et se mit à la bourrer. « Vous avez pu juger par vous-même à quel point cette vieille dame est talentueuse pour tromper son monde. »« Personne ne sait donc ce qu'elle vous a fait subir ?» s'étonna Ophélie. Thorn frotta une allumette pour mettre le feu au fourneau de sa pipe. La flamme souligna ses traits anguleux et contractés, empreints de tension cérébrale. Dès qu'il cessait de mener l'interrogatoire, son regard devenait fuyant. « Personne, » maugréa-t-il, « exactement comme pour vous, aujourd'hui. » « Sans vouloir vous offenser, » insista doucement Ophélie, « comment pouvez-vous alors savoir ce qui s'est passé? Vous venez de me dire que vous n'étiez qu'un nourrisson. » Thorn secoua son allumette et des anneaux argentés se déroulèrent de sa pipe. « J'ai une très bonne mémoire. » Derrière ses lunettes, la paupière boursouflée d'Ophélie s'entr'ouvrit sous le coup de la surprise. Ce souvenir d'événements survenus dans les premiers mois de sa vie, elle ne croyait même pas la chose possible. D'un autre côté, une telle mémoire expliquait l'excellence de Thorn en comptabilité. Ophélie trempa ses lèvres dans le café. Le liquide amer la réchauffa de l'intérieur. Elle aurait aimé un peu de sucre et de lait, mais elle n'allait pas trop en demander non plus. « Et votre grand-mère, c'est elle que vous vous en souvenez ?»« Peut-être, peut-être pas, » grogna Thorn entre deux bouffées de pipe. « Nous n'en avons jamais parlé. » Ophélie le revit en train de repousser sa grand-mère lorsqu'elle les avait accueillis sur le perron. Elle devait reconnaître qu'elle les avait aussi mal jugés l'un que l'autre, ce jour-là. « Je pensais que ces petites manies meurtrières lui étaient passées avec l'âge. » enchaîna Thorn en appuyant sur chaque consonne. « Le tour qu'elle vient de vous jouer prouve le contraire. »« Que dois-je faire alors ?» demanda Ophélie. « Vous ? Rien. » « Je ne me sens pas capable de la regarder en face, comme si de rien n'était. » Sous les sourcils froncés de Thorn, dans l'ombre des paupières, les éclats de métal se durcirent. Il y avait de la foudre dans son regard. Ophélie le trouvait presque inquiétant. « Vous n'aurez plus à la regarder en face. Je vais expédier cette femme très loin de la citatielle. Ne vous avais-je pas dit que je me vengerais de tous ceux qui s'en prendraient à vous ?» Ophélie se réfugia précipitamment derrière sa tasse de café. Elle avait un gros nœud dans la gorge, soudain. Elle venait de comprendre qu'elle était réellement importante pour Thorn. Ce n'était ni de la comédie, ni des mots en l'air. Il exprimait ses sentiments d'une façon un peu rude, certes, mais il était terriblement sincère. « Il prend ce mariage beaucoup plus au sérieux que moi, » songea Ophélie. Cette pensée lui tordait le ventre. Il avait beau ne pas être un homme très commode, elle n'avait aucune envie de le faire souffrir ou de l'humilier en se refusant à lui. Enfin, peut-être cela lui avait-il effleuré l'esprit les premiers temps, mais elle avait revu sa position depuis. Elle perdit son regard au fond de sa tasse vide si longtemps que Thorn finit par décrocher sa pipe de sa bouche et par désigner la cafetière. « Reservez-vous. » Ophélie ne se fit pas prier. Elle se remplit une pleine tasse de café, puis elle se renfonça dans son siège à la recherche d'une position supportable. Restée assise, lui broyait les côtes et l'incommodait pour respirer. « J'ai un autre problème urgent à vous soumettre, » dit-elle d'une voix rauque. « Votre grand-mère mise de côté, je me suis fait un deuxième ennemi. » Les sourcils pâles de Thorn s'arc-boutèrent l'un contre l'autre. « Qui ?» Ophélie prit une inspiration et lui raconta d'une traite le chantage de Gustave. Plus elle parlait, plus la figure de Thorn se distendait. Il la dévisagea avec une profonde perplexité, comme si elle était la créature la plus improbable que la nature eût enfantée. « Si Bérénilde n'a pas perdu son bébé avant l'opéra du printemps, je passe à la trappe, » conclut-elle en triturant ses gants. Thorn se renversa dans son fauteuil et passa une main dans ses cheveux blonds argentés, les aplatissant encore plus qu'il ne l'était déjà. « Vous mettez mes nerfs à rude épreuve. Vous avez l'art et la manière de vous fourrer dans le pétrin, vraiment. » Pensif, il souffla toute sa fumée par son grand nez d'épervier. « Soit. Je m'occuperai de cela également. » « Comment ?» demanda Ophélie dans un souffle. Ne vous souciez pas des détails. Vous avez juste ma parole que ce majordome ne vous causera aucun tort, ni à vous, ni à ma tante. » Ophélie avala d'une traite tout ce qui lui restait de café. Le nœud dans la gorge ne descendait pas. Thorn allait l'aider au-delà de toutes ses espérances. Elle se sentait parfaitement ingrate de l'avoir traitée avec autant de dédain jusqu'à présent. L'horloge de l'intendance sonna 6 heures du matin. Je dois retourner dans ma chambre, dit Ophélie en reposant sa tasse. Je n'avais pas réalisé qu'il était si tard. Thorne se leva et lui tint le panneau à miroir de la penderie, comme s'il s'agissait d'une porte ordinaire. Ophélie n'avait pas le cœur de partir ainsi, sans un mot aimable pour lui. « Je vous remercie, » bégaya-t-elle. Thorne haussa les sourcils. Il sembla soudain tout guindé dans son uniforme à épaulettes, trop à l'étroit dans son grand corps maigre. « C'est une bonne chose que vous vous soyez ouverte à moi, » dit-il d'un ton bourru. Il y eut un petit silence gêné, puis il ajouta entre ses dents « J'ai pu vous paraître un peu sec tout à l'heure. »« C'est ma faute, » le coupa Ophélie. « La dernière fois, je me suis montré désagréable. » Une convulsion traversa la bouche de Thorne. Elle fut incapable de déterminer si c'était une tentative de sourire ou une grimace embarrassée. « Ne donnez plus votre confiance qu'à ma tante, » rappela-t-il. Ophélie se sentit peinée de voir à quel point il accordait du crédit à Bérénilde. Elle les manipulait comme des marionnettes, et il était entré dans son jeu sans même s'en rendre compte. « À elle, je ne sais pas, mais à vous, n'en doutez plus. » Ophélie avait cru bien faire en lui disant cela. À défaut de pouvoir jouer les épouses aimantes, elle voulait au moins être honnête avec Thorne. Il avait sa confiance, il devait le savoir. Elle se demanda toutefois si ce n'était pas une erreur quand les yeux gris se dérobèrent brusquement aux siens, dans un mouvement plein de raideur. « Vous devriez partir maintenant, » marmonna-t-il. « Je dois ranger mon cabinet et réparer le téléphone avant mes premiers rendez-vous de la journée. Pour ce dont vous m'avez parlé, je ferai le nécessaire. » Ophélie s'engloutit dans le miroir et refit surface dans sa chambre. Elle était tellement absorbée dans ses pensées qu'elle ne s'aperçut pas tout de suite que le phonographe s'était remis en marche pendant son absence. Elle posa un regard perplexe sur le disque qui déroulait sa musique de fanfare. « Vous voilà enfin !» soupira une voix derrière elle. « Je commençais à m'inquiéter un peu. » Ophélie se retourna. Un petit garçon était assis sur son lit.